avait des yeux clairs et puis marrons, je crois. Elle avait dans la voix quelque chose qui fait froid et portait sur ses jambes des pantalons usés par des vieux, par sa sœur ou sa mère quelquefois. Elle avait ses cheveux comme on lave son chien et y avait plein de nœuds qu'elle couperait demain. Et demain ça sera bien et puis demain c'est loin. Et puis même si c'est loin, putain demain ça sera bien. Des pansements sur ses doigts, des vêtements sur ses jambes et des gants. Ouais, des gants élégants, des bracelets sur ses bras, des pansements sur ses doigts, des vêtements sur ses jambes et des gants, ouais, des gants élégants. Mais elle l'a dit.